C'est vraiment bon de savoir quand les frères et les sœurs s'associent et réalisent qu'on peut prendre soin les uns des autres. On est toujours content, j'imagine. Vous êtes toujours content de savoir que quelqu'un s'intéresse à vous et prend soin de vous. Quelle joie de savoir que quelqu'un s'intéresse à l'église de Victoriaville, s'intéresse à moi et il prend soin de l'église de Victoriaville, dans les hauts comme dans les bas. Il est le bon berger. Chez moi, j'ai un constant rappel du fait que Dieu prend soin de moi et qu'il s'intéresse à moi. Dans mon bureau, j'ai cette peinture-là. C'est une peinture qu'on dit pen and ink. Alors, La dame qui me l'a donnée quand j'étais à la fin de mon ministère à Grand Rapids au Michigan, on habitait dans une copropriété avec 125 petites maisons en rangée. Et la dame qui a fait ça était l'administratrice et son mari était le gérant des terrains, puis de changer les toitures, puis les portes, puis les fenêtres. Et par la grâce de Dieu, j'ai conduit cet homme-là au Seigneur. Et on a eu tellement de la joie. C'était une belle expérience sur son terrain, au milieu de son travail. Je partage l'Évangile, puis dit, est-ce que je peux accepter le Seigneur tout de suite? Bon, il y a du monde un peu autour. Oui, oui. Fait que là, il s'agenouille juste à côté d'un arbre, puis on prie ensemble. Et il a reçu le Seigneur. Quelle joie! C'était une confirmation pour nous d'être là. C'était dans les premières semaines où on était à Grand Rapids. Et puis, par la suite, on a eu son épouse était déjà convertie. Donna était déjà convertie. Lyle se convertissait. Et on a eu des études bibliques qui invitaient des gens. D'autres personnes sont venues au Seigneur, qui sont attachées à l'église locale. Et quand on est parti une année après, il était impliqué dans l'église locale. Plein de joie pour moi aussi. Et son épouse nous a donné ça en quittant. C'est fait avec un crayon et à l'encre. Alors, il y a pas de peinture là-dedans, c'est tous des petits points. Plus les points sont rapprochés, plus c'est foncé, plus les points sont élargis, plus c'est... Alors, c'est seulement des points que tout ça. Si on avait grossi ça, on verrait que c'était juste des points. Et ça, alors, bien entendu, c'est dans mon bureau. Et quand je regarde ce regard de berger, je sais que mon Dieu s'intéresse à moi, qu'il prend soin de moi, comme un berger prend soin de ses brebis. Cette scène de brebis et de berger, cette scène de bienveillance, est, pour les gens du premier siècle, pour le peuple juif, c'était très, très significatif. En réalité, c'était peut-être l'image la plus significative de bienveillance de Dieu envers son peuple, du berger envers ses brebis. Parce que si vous vous souvenez un peu l'histoire d'Israël, il y a beaucoup de grands personnages bibliques qui étaient des bergers. Vous vous souvenez, Babel était berger, Abraham était berger, Joseph était berger, Moïse était berger, le roi David était berger. Et la Bible dit même que l'Éternel lui-même était le berger d'Israël. Vous vous souvenez, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et dans notre contexte de Jean, on est toujours à la fête des tabernacles et on est au maximum de l'opposition de Jésus. Dans le temple, on a voulu le lapider. Alors Jésus est obligé de sortir du temple et il a guéri un aveugle né par la suite. Et ils l'ont questionné, puis ça n'a pas fait leur affaire. Ils ont chassé du temple l'aveugle né. Et les chefs juifs, au lieu de se manifester comme étant des bons dirigeants clairvoyants, les chefs juifs étaient plutôt des gens qui ont méprisé et malmené le peuple. Et Jésus les a considérés dans Jean chapitre 9 comme des aveugles spirituels. Tellement que certains pharisiens ont demandé à Jésus, « Mais nous aussi sommes-nous aveugles? » Et Jésus de répondre, « en vérité, je vous le dis. » Et il présente l'illustration d'une bergerie que l'on trouve dans Jean au chapitre 10, que nous allons tourner. Il continue, il répond à cette notion, est-ce qu'on est aveugle vraiment, par une illustration d'une bergerie. Et comme ils n'ont pas compris la première illustration, Jésus va leur en donner deux autres pour clarifier. Jésus va se présenter dans Jean 10 comme le berger d'Israël. Dans les six premiers versets qu'on va regarder, il va mettre l'emphase sur la bergerie. Et comme bergerie, Jésus va se présenter comme le véritable berger d'Israël. Plus tard, dans les versets 7 à 10, l'emphase va être plus sur la porte. Et Jésus va se présenter comme le seul chemin, le seul vrai berger d'Israël. Et dans les versets 11 à 18, l'emphase va être sur le berger lui-même. Et Jésus va se présenter comme le bon berger d'Israël. Ce matin, on va juste toucher les six premiers versets, la première illustration. Et on va essayer de l'interpréter et de l'appliquer à nos vies. Un beau passage qui est certainement très, très connu. Prions d'abord. Seigneur Dieu, encore merci pour la joie que tu nous donnes d'être ensemble, de manifester notre amour les uns pour les autres, de manifester notre amour pour toi, parce que c'est toi qui nous as aimés en premier. Alors Seigneur, encore une fois, on est autour de ta parole et on a besoin que tu parles à nos cœurs, on a besoin de toi. Alors Seigneur, éveille nos cœurs, nos âmes à ta parole et donne-nous la grâce de reconnaître ta voix ce matin à travers le message et de nous engager à te suivre comme berger. Et te prions au nom de Jésus. Amen. Alors Jean chapitre 10, et je vais lire les... Est-ce que ça fonctionne, ça? C'est sur on. Oups, excusez. Ah, voilà, on est parti. Jean chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus recommence à partir du verset 7, et il mentionne qu'il est la porte. Et il donne une autre illustration à partir du verset 11 pour dire qu'il est le bon berger. Et après avoir dit ces choses, au verset 19, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » Ils n'ont pas tout compris, les pharisiens, de cette image-là. Mais quels sont les éléments d'abord? D'une bergerie telle qu'on pouvait la considérer au premier siècle. Une bergerie, c'est un enclos. C'est un enclos naturel et ça sert, bien entendu, à protéger les brebis pendant la nuit contre les loups, contre les animaux sauvages, contre les intempéries. Une tempête arrive, là, les brebis peuvent aller dans toutes les directions. C'est un refuge pour ne pas perdre les brebis. Puis au premier siècle, c'est un enclos qui est clôturé habituellement de pierre, qui n'a pas de toit, à moins que ce soit dans une caverne, parce qu'il y avait aussi des bergeries dans des cavernes. Et ça a juste une porte d'entrée puis de sortie. Alors, dans une bergerie de ce style-là, bien, il y a plusieurs bergers qui peuvent venir placer leurs brebis dans l'enclos pour la nuit. Et s'il y a plusieurs... bergerie, plusieurs troupeaux avec plusieurs bergers, bien, il y en a un qui va se coucher à l'entrée ou si c'est un peu plus commercial, bien, il va avoir un mercenaire, il va avoir un employé qui va se placer dans la porte pour les garder pendant la nuit, pour veiller et pour permettre le lendemain qu'il y ait une bonne sortie. dans ce contexte-là, il y a aussi des fois des brigands puis des voleurs. Puis eux autres, ils n'ont pas la même idée que de protéger les brebis. Eux autres, ils essayent plutôt d'arracher les brebis de leur berger. Et le texte va dire qu'ils sont des étrangers. Ces brigands, ces voleurs, ils n'ont pas d'intérêt envers les brebis. Ils n'ont pas de relation envers elles. Les brebis ne leur appartiennent pas. Ce qu'ils veulent faire, ils veulent sauter dans la bergerie pour les disperser, les brebis, pour les voler, pour les chasser comme du gibier, parce que ce qu'ils recherchent, c'est leur propre intérêt plutôt que celui des brebis. Et bien entendu, on a autour de la bergerie le berger lui-même. Lui, le texte dit, il les connaît, ces brebis. Il dit que ces brebis-là, ils sont à lui. Ces brebis-là, il s'est introduit personnellement à chacune d'entre elles. Il les connaît personnellement, le berger, et il les appelle individuellement. Il les sépare le matin quand il quitte, il va les séparer des autres brebis et il va les conduire. Il va marcher devant elles. Notre contexte nord-américain, moi, d'être né sur une ferme laitière, on ne marchait pas en avant des vaches, on marchait en arrière, puis on avait un berger allemand, alors qu'il les poussait. Elle était pas la bonne. C'est pas la même image de berger qu'on a ici du tout, là. Jésus est celui qui... Le berger, il connaît, il les appelle, et il marche devant elles, et les brebis voient le berger, elles le suivent. Il est leur modèle, et il marche en avant. Parce que le berger, il va veiller sur ses brebis, il va prendre personnellement soin de chacune d'elles. Comme David, quand lui-même gardait les brebis, et il disait, « L'Éternel est mon berger. » Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il prend soin de moi. Et bien entendu, dans cette bergerie, on met une bergerie avec une clôture parce que les brebis sont des animaux très fragiles. Les brebis, on nous dit, ils n'ont aucun sens de direction. Ils n'ont pas de signes visuels sur eux autres. Ils n'ont pas de GPS accroché pour savoir ce que tu es rendu ou ce qu'on va aller chercher. Ils n'ont pas de tag dans ses oreilles comme on faisait sur les veaux, nous autres, chez nous, pour ne pas les perdre. Là, on avait un tag, là. Mais là, les veaux, ils suçaient les oreilles puis arrachaient le tag. On parle de le veau pareil. Mais il n'y a pas de signes visuels sur les brebis. Pour se diriger, les brebis, elles doivent connaître la voix du berger, pas juste la connaître, mais la reconnaître quand il y a aussi d'autres bergers, de sorte qu'elle va suivre le bon berger, puis qu'elle va s'éloigner de l'étranger. C'est simple, hein, comme image. Savez-vous quoi? Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Même moi, je ne dis pas bien brillant, mais il semble que je comprends assez bien les éléments de cette bergerie-là. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Est-ce que nous, on pourrait mieux comprendre que les pharisiens ce langage imagé? Ça dit parabole au verset 6, mais le mot grec n'est pas... C'est un autre mot, c'est paroïma. C'est une métaphore, c'est une illustration, une figure de style. Une métaphore, c'est un objet qui m'enligne vers un autre objet, vers une autre image. Tandis qu'une métaphore, tandis qu'une parabole, c'est une histoire. C'est une histoire qui se déroule, une histoire terrestre qui a une vérité céleste derrière. Mais la figure de style, c'est une métaphore, c'est un objet, la bergerie, pour me faire penser à un autre objet. Si on disait de Jean qu'il est un armoire à glace, on emploierait une métaphore. Moi, on ne m'a jamais dit que j'étais une armoire à glace non plus. Pas parce que j'étais froid, mais on a l'image d'une armoire à glace. C'est carré, c'est solide, c'est fort. C'est un armoire à... c'est une métaphore. Je prends un objet, puis je veux lui faire dire autre chose. Ici, on a une métaphore. Divers objets qui nous font référer à d'autres images. Alors, si on se posait la question, alors, qu'est-ce que c'est la bergerie? Qu'est-ce que c'est l'ensemble des brebis qui se retrouvent dans cet enclos-là? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que Jésus voulait montrer? Oh, j'aurais dû vous le demander avant. Et ça réfère à la nation d'Israël. La nation d'Israël était dirigée par toutes sortes de différents bergers. Des scribes, des pharisiens, des sadducéens, des sacrificateurs. Il y avait plusieurs personnes qui disaient « Hey, écoutez-moi puis suivez-moi ». Il y avait plusieurs bergers. Et la bergerie représente cette nation d'Israël. Et Jésus s'est présenté à cette nation. Il s'est présenté au peuple d'Israël et il les a invités à le suivre lui, le bon berger, à croire en lui, à s'attacher à lui, à le suivre hors de l'ancienne alliance, jusque dans la nouvelle alliance pour former un nouveau troupeau dont il sera le berger. Et Jésus, quand il s'est présenté à la nation d'Israël, à la bergerie, bien, il s'est présenté de la bonne manière. Il n'a pas sauté par l'extérieur, il est entré par la porte. Et la porte, c'était le bon moyen d'accès. Jésus s'est présenté à la nation d'Israël suite à toutes sortes de prophéties de l'Ancien Testament qui l'identifiaient comme le berger pour Israël. Toutes sortes de prophéties. Et Jésus, non seulement il était prophétisé, mais il s'est incarné. Il est venu marcher avec les gens, avec la nation d'Israël. Il s'est identifié à l'humanité. Il a vécu parmi elles plus de 30 ans. Et finalement, il a donné sa vie sur la croix. Il a racheté son peuple de ses péchés pour que chacune des brebis puisse lui appartenir. La bergerie, c'est la nation d'Israël. La bonne manière, la porte, c'est Jésus qui est entré de la bonne manière. Et le portier, qui ça serait le portier qui a laissé Jésus entrer dans la bergerie? Allez-vous oser dire qui pourrait être ce portier-là qui a dit « Viens, entre, prends possession. » Ah, celui qui a dit « Moi, je suis en avant, mais après moi vient quelqu'un qui va… » Jean, OK. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Le portier, Jean-Baptiste, évidemment. Jean-Baptiste était le portier. C'est celui qui a introduit le berger à la nation d'Israël. C'est lui qui l'a reconnu. Il a dit ça, là, c'est le Fils de Dieu. Ça, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui qui l'a présenté au peuple comme berger puis qui a encouragé même ses disciples à le suivre. Il a dit, moi, il faut que je diminue, puis lui, il faut qu'il augmente. Jean-Baptiste était ce portier. Et bien entendu, ce que les pharisiens n'avaient pas vraiment compris, c'était qui donc les voleurs puis les brigands? Sinon, ces chefs religieux qui, au lieu de chercher l'intérêt du peuple, cherchaient plutôt leur propre intérêt. Ils voulaient tondre les brebis. Ils voulaient garder la laine pour eux autres, plutôt que de paître, de conduire, de soigner les brebis. C'est pour ça qu'ils avaient chassé l'aveugle-né, ils avaient repoussé Jésus, ils avaient méprisé Jésus. Et Jésus, finalement, quand il donne cette image de la bergerie, il est en train de citer presque directement une prophétie de l'Ancien Testament qui est Ézéchiel chapitre 34. Un passage tellement clé qui réfère avec ce que Jésus est en train de dire à ses pharisiens. Je vais le lire, les six premiers versets de Ézéchiel chapitre 34. Ça dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué celui qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. » Jésus est en train de citer presque littéralement Ézéchiel chapitre 34 en disant des chefs religieux qu'ils étaient des mauvais bergers. Ils avaient profité des brebis, ils avaient maltraité les brebis plutôt que d'en prendre soin. C'étaient les brigands et les voleurs. Qui peut être le berger dans cette histoire-là? Évidemment, vous avez le bon mot en tête. C'est Jésus, le bon berger. C'est Jésus, le berger. C'est Jésus qui appelle, qui conduit, qui aime les brebis. C'est lui qui les aime. Et il les appelle, les brebis, une par une, individuellement, et il les appelle à les faire sortir de l'ancienne bergerie, de l'ancienne alliance, et de les faire participer dans sa nouvelle bergerie. Celle de la Nouvelle Alliance. Et c'est lui qui est le vrai propriétaire de ces brebis parce qu'il les a rachetées. Il a payé le prix sur la croix pour eux. C'est lui le vrai propriétaire. C'est lui le vrai berger d'Israël. Et selon sa promesse, dans Ézéchiel chapitre 34, bien, l'Éternel, il va délivrer ses brebis. Regardez ce qu'il nous dit encore dans Ézéchiel au chapitre 34, les versets 10 et 11. Il dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis. J'en ferai la revue. » L'Éternel a prophétisé qu'il allait lui-même délivrer ses brebis et il dit plus tard, il dit, « Je vais les remettre à un nouveau berger, à mon serviteur David, dans les versets 23-24, encore de Ézéchiel 34. » Il dit, « J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. » Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » L'Éternel lui a dit, c'est mes brebis, puis je vais les remettre à un seul berger, à Jésus, ce grand David, ce serviteur David, ce roi David du futur, qui est le Messie. Et lui, il va en prendre soin. Et lui, comme dit un autre passage dans Ésaïe chapitre 40, il va prendre soin des brebis. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Ce bon berger va prendre soin des brebis, et il va marcher devant elles. Ça semble assez évident, chaque élément d'interprétation. Qui pourrait être des brebis, alors? Ben, c'est chacun qui écoute. Chacun qui écoute la voix, qui reconnaît la voix et qui s'attache au berger. Ce sont les croyants. Ce sont les croyants que Jésus connaît individuellement. Ce sont les croyants qui ont une relation personnel avec le berger. Ce sont les croyants qui reconnaissent la voix de leur berger, Jésus. Ils reconnaissent sa voix parmi les autres voix qui pourraient les détourner de leur berger. C'est ces brebis qui reconnaissent non seulement la voix, mais ils reconnaissent qu'ils sont tellement dépendants de Jésus, tellement dépendants de leur berger, comme des brebis qui sont tellement vulnérables à se perdre, à aller dans toutes les directions, à ne pas bien se nourrir. Les brebis sont les croyants, ils reconnaissent leur dépendance complète du berger, parce qu'ils savent, je sais, probablement vous-même, on sait qu'on est tellement facilement errant, tellement vulnérable aux loups, aux brigands, aux voleurs qui voudraient nous séparer de notre maître. Ça me semble assez simple. Et l'image, et l'interprétation, qu'est-ce que ça change dans ma vie et la vôtre de savoir que Jésus est ce vrai berger de la bergerie? Est-ce que notre réaction va être un peu meilleure que celle des pharisiens? Une fois qu'ils ont entendu ça, ils ont dit, hey, « Voyons donc, qui c'est qui va écouter ça? Il est fou! C'est un démoniaque, il y a un démon certain! » Ils ne se sont pas connectés du tout. Est-ce que nous, on va faire mieux? Est-ce qu'on va se connecter? Ou est-ce qu'on va juste dire, « Ah oui, c'est lui, puis bon. » Est-ce que je vais reconnaître Jésus d'abord comme mon berger? Je dois reconnaître Jésus comme mon berger. Est-ce que je reconnais ce matin que Jésus, c'est celui qui m'a appelé à quitter peut-être une religion dans le passé pour dire, « Viens avec moi, viens développer une relation personnelle avec moi. » Est-ce que je reconnais Jésus comme mon berger? Ou est-ce que mon propriétaire, celui à qui j'appartiens? Ou est-ce que je vis pour moi-même? Puis que je m'organise à mes propres... Est-ce que je réalise que je ne m'appartiens pas moi-même, mais que j'appartiens à celui qui m'a racheté? Oh, ça me rappelle toujours le premier dimanche que je suis arrivé ici quand j'étais converti. Gaston chantait, « Oui, j'appartiens à Jésus, car il m'a racheté. Jésus m'appartient désormais et pour l'éternité. » J'écoutais ça, puis je disais, « Hé, c'est moi ça! J'appartiens à Jésus, je ne m'appartiens plus moi-même. » J'ai même un beau verset dans 2 Corinthiens, chapitre 5, des versets 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. » Est-ce que je vis pour moi-même ou est-ce que je vis pour mon berger qui est mort et ressuscité pour moi? Est-ce que mon cœur, puisqu'il est mon berger, est-ce que mon cœur est attentif à sa voix? Est-ce que je prends le temps de l'écouter? Est-ce que je prends le temps de goûter que, oui, Jésus m'aime, bonheur suprême, amour extrême, toujours le même. Oui, Jésus m'aime, il est amour, il m'aimera toujours. Est-ce que vous connaissez ce chant-là? Oui, c'est le premier chant quand je suis entré ici. Jésus m'aime, est-ce que je réalise ça, que c'est l'amour suprême et qu'il va m'aimer pour l'éternité? Quel réconfort de savoir qu'il y a un berger, qu'il y a un berger qui prend soin de moi et qui m'aime. Je dois le reconnaître comme mon berger, mais ce n'est pas juste de le reconnaître dans ma tête, je dois aussi le suivre comme mon bon berger, parce que je dois réaliser que c'est tellement facile dans ma vie, comme dans nos vies, à nous détourner puis à suivre toutes sortes d'autres voies que celle de notre Sauveur. Alors que l'endroit le plus sécuritaire qu'un chrétien peut être, c'est d'être dans les bras du Seigneur, proche du Seigneur, cette brebis du Seigneur qui lui fait pleinement confiance et qui l'obéit parce que c'est son berger. Vous savez qu'un homme de Dieu que je lis depuis des décennies, Charles Stanley, est... ceux qui reçoivent en contact, moi je reçois en anglais, mais il est décédé il y a un mois et demi à peu près, en avril. Et un de ses principes qu'il répète souvent, c'est « Obéis à Dieu et laisse-lui gérer les conséquences. » Jésus est mon berger, je vais lui obéir, no matter what happens. Peu importe ce qui va arriver après, je laisse à lui les conséquences. Mon rôle, c'est de lui faire confiance et de lui obéir, le suivre. Parce que Jésus, c'est le berger qui marche devant nous. J'ai besoin de regarder à lui, d'avoir les yeux fixés sur lui. Parce que Jésus, ce n'est pas celui qui est en arrière et qui nous pousse, mais c'est celui qui est en avant comme modèle et qui nous dit, « Suis-moi, viens avec moi. » Quelle sorte de brebis est-ce que je suis? Est-ce que j'entends que Dieu m'appelle, même aujourd'hui? Peut-être que ce matin, peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent, des gens qui sont ici, qui sont des brebis, ils disent, « Hey, moi, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Je ne sais pas qui me dirige. Je m'occupe de mes affaires tout seul. Je suis une brebis perdue. Je ne sais pas vers qui je vais tourner. Je suis sans berger. » Bien, Jésus est toujours clair. « Viens à moi. Venez à moi. » Il voyait les foules comme des brebis qui n'avaient pas de berger, puis il dit, « Venez à moi. » Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner du repos. Toute brebis perdue doit venir à Jésus. Parce que Jésus les appelle comme étant leur vrai berger, comme étant leur seul berger, le seul qui peut les sauver, comme étant le bon berger, le meilleur berger qui peut conduire chacune des brebis jusque dans la vie éternelle. Si t'es une brebis perdue, Jésus t'appelle. Viens, viens à lui. Peut-être que tu te trouves comme une brebis qui connaît Jésus, qui connaît son Sauveur, mais qui s'est éloignée et qui, par conséquent, parce qu'elle n'est pas aussi proche qu'elle voudrait l'être de son Sauveur, de son Seigneur, elle a peur. Qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce que je m'en vais? Elle est dispersée, elle a plus de trop de direction. Peut-être qu'elle est prise dans des buissons d'épines du péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Crie à Jésus. Crie à Jésus, il t'aime, il est prêt à laisser les 99 qui vont bien, puis aller chercher celle qui s'est éloignée. Crie à Jésus, il t'aime, il va t'entendre, il va te rappeler à lui. Reviens à lui et laisse-le conduire ta vie. Il t'attend, il veut te guérir. Encore dans Ézéchiel chapitre 34, il dit, il a fait une promesse. Il a dit, c'est moi qui ferai paître mon troupeau. Et c'est moi qui le ferai reposer, le Seigneur, l'Éternel le déclare. Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui s'est éloignée. Je panserai celle qui a une patte cassée. Et je fortifierai celle qui est malade. Jésus a fait sa promesse. Si je suis une brebis qui s'est éloignée, qui s'est égarée, reviens. Jésus va fortifier la brebis malade. Il va panser la brebis qui est blessée. Il va nourrir la brebis qui a faim. Et peut-être tu es parmi plein de gens qui se disent, « Oh, moi, je suis une brebis qui est satisfaite. Je suis content d'avoir Jésus pour berger. Je suis content de marcher avec lui. » Bien, continuons de manifester notre gratitude. On a besoin de le dire. On a besoin de le partager à d'autres personnes, la sécurité que nous trouvons en Jésus, notre bon berger. On a besoin de jouir joyeusement de cette vie abondante que Jésus promet, Jésus notre bon berger. Ce matin, j'aimerais vous encourager à dire, Seigneur, tu es mon bon berger, je veux vivre pour toi, je veux m'abandonner à toi, je veux que tu me conduises. En fait, j'aimerais qu'on fasse une prière en assemblée, une prière qui est un chant. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous allez m'aider. Mais c'est un chant qui était dans ma tête toute cette semaine, à dire au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es le berger de mon âme. Où tu iras, j'irai. Vous pouvez le murmurer ou le chanter avec moi, mais je voudrais qu'on le lise, qu'on le pense comme étant une prière. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme guidera. Encore une fois, berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Seigneur, tu es notre berger, notre bon berger. Merci d'être là. Donne-nous la grâce de te suivre. Donne-nous la grâce d'entendre ta voix, de la reconnaître, de nous détacher de tout ce qui nous attire à l'extérieur de ce bon berger. Et merci encore pour la table du Seigneur qui est devant nous. Seigneur, qu'elle puisse nous rappeler à quel prix tu nous as rachetés et qu'elle puisse être l'objet de manifester notre reconnaissance envers toi et notre engagement à marcher avec toi en Église, comme on s'est réjoui cette semaine avec la réunion de vendredi. Ô Seigneur, reçois honneur et louange. Nous sommes un peuple tellement gracié, que tu prends tellement bien soin de nous. Nous voulons te dire merci. Et en retour, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Tu es le bon berger. Où tu nous conduiras, nous irons. En ton nom, nous te louons. Amen.